parti le premier. Faut dire t'étais l'aîné. Pendant que la peur nous gardait muets. Pendant que la peur se moquait de nous. Assis dans l'escalier, on te suivait du cœur. Toi tu disais, là-bas c'est tout près. J'ai tout fait, payé mon dû, j'ai ma vie, j'ai choisi. Jamais, jamais, jamais dompté. Jamais, jamais, jamais dompté. Pas juste pour changer d'air, pas juste pour voyager. T'avais les yeux plus clairs qu'un ciel de printemps. Partir avant que le temps se dise encore gagnant. Toucher le bout de l'île avant qu'il soit trop tard. Qui sait ce qu'on peut trouver de l'autre bord de la rive. Ça brille de l'autre côté de la rivière des prairies. Oh, jamais, jamais, jamais dompté. Jamais, jamais, jamais dompté. Qu'importe si un jour tu dis t'être trompé. Qu'importe si tes visions sont blessures de l'azur. Traverser la rivière comme la dernière frontière. Cheval sauvage, sans bride et sans enclos.